Chapitre 10 Des lois civiles et criminelles. Rechercher quelle a été l'influence du christianisme sur les lois et sur les gouvernements, comme nous l'avons fait pour la morale et pour la poésie, serait le sujet d'un fort bel ouvrage. Nous indiquerons seulement la route et nous offrirons quelques résultats afin d'additionner la somme des bienfaits de la religion. Il suffit d'ouvrir au hasard les conciles, le droit canonique, les bulles et les rescrits de la cour de Rome, pour se convaincre que nos anciennes lois recueillies dans les capitulaires de Charlemagne, dans les formules de Marculf, dans les ordonnances des rois de France, ont emprunté une foule de règlements à l'Église, ou plutôt qu'elles ont été rédigées en partie par de savants prêtres ou des assemblées d'ecclésiastiques. De temps immémorial, les évêques et les métropolitains ont eu des droits assez considérables en matière civile. Ils étaient chargés de la promulgation des ordonnances impériales relatives à la tranquillité publique. On les prenait pour arbitres dans les procès. C'étaient des espèces de juges de paix naturels que la religion avait donnés aux hommes. Les empereurs chrétiens, trouvant cette coutume établie, la jugèrent si salutaire qu'ils la confirmèrent par des articles de leur code. Chaque gradué, depuis le sous-diacre jusqu'au souverain pontife, exerçait une petite juridiction, de sorte que l'esprit religieux agissait par mille points et de mille manières sur les lois. Mais cette influence était-elle favorable ou dangereuse aux citoyens? Nous croyons qu'elle était favorable. D'abord, dans tout ce qui s'appelle administration, la sagesse du clergé a constamment été reconnue, même des écrivains les plus opposés au christianisme. Lorsqu'un État est tranquille, les hommes ne font pas le mal pour le seul plaisir de le faire. Quel intérêt un concile pouvait-il avoir à apporter une loi inique touchant l'ordre des successions ou les conditions d'un mariage? Ou pourquoi un official ou un simple prêtre admis à prononcer sur un point de droit aurait-il prévariqué? S'il est vrai que l'éducation et les principes qui nous sont inculqués dans la jeunesse influent sur notre caractère, des ministres de l'Évangile devaient être en général guidés par un conseil de douceur et d'impartialité. Mettons, si l'on veut, une restriction, et disons, dans tout ce qui ne regardait pas ou leur ordre ou leur personne. D'ailleurs, l'esprit de corps, qui peut être mauvais dans l'ensemble, est toujours bon dans la partie. Il est à présumer qu'un membre d'une grande société religieuse se distinguera plutôt par sa droiture dans une place civile que par ses prévarications, ne fût-ce que pour la gloire de son ordre et le joug que cet ordre lui impose. De plus, les conciles étaient composés de prélats de tous les pays, et partant, ils avaient l'immense avantage d'être comme étrangers au peuple, pour lesquels ils faisaient des lois. Ces haines, ces amours, ces préjugés feudataires, qui accompagnent ordinairement le législateur, étaient inconnus aux pères des conciles. Un évêque français avait assez de lumière touchant sa patrie pour combattre un canon qui en blessait les mœurs. Mais il n'avait pas assez de pouvoir sur des prélats italiens, espagnols, anglais, pour leur faire adopter un règlement injuste. Libre dans le bien, sa position le bornait dans le mal. C'est Machiavel, ce nous semble, qui propose de faire rédiger la constitution d'un État par un étranger. Mais cet étranger pourrait être ou gagné par intérêt ou ignorant du génie de la nation dont il fixerait le gouvernement. Deux grands inconvénients que le Concile n'avait pas, puisqu'il était à la fois au-dessus de la corruption, par ses richesses, et instruit des inclinations particulières des royaumes par les divers membres qui le composaient. L'Église, prenant toujours la morale pour base, de préférence à la politique, comme on le voit par les questions de rapt, de divorce, d'adultère. Ces ordonnances doivent avoir un fond naturel de rectitude et d'universalité. En effet, la plupart des canons ne sont point relatifs à telle ou telle contrée. Ils comprennent toute la chrétienté. La charité, le pardon des offenses, formant tout le christianisme et étant spécialement recommandé dans le sacerdoce. L'action de ce caractère sacré sur les mœurs doit participer de ses vertus. L'histoire nous offre sans cesse le prêtre priant pour le malheureux, demandant grâce pour le coupable ou intercédant pour l'innocent. Le droit d'asile dans les églises, tout abusif qu'il pouvait être, et néanmoins une grande preuve de la tolérance que l'esprit religieux avait introduite dans la justice criminelle. Les dominicains furent animés par cette pitié évangélique. lorsqu'ils dénoncèrent avec tant de force les cruautés des Espagnols dans le Nouveau Monde. Enfin, comme notre code a été formé dans des temps de barbarie, le prêtre étant le seul homme qui eut alors quelques lettres, il ne pouvait porter dans les lois qu'une influence heureuse et des lumières qui manquaient au reste des citoyens. On trouve un bel exemple de l'esprit de justice que le christianisme tendait à introduire dans nos tribunaux. Saint Ambroise observe que si, en matière criminelle, les évêques sont obligés, par leur caractère, d'implorer la clémence du magistrat, ils ne doivent jamais intervenir dans les causes civiles, qui ne sont pas portées à leur propre juridiction. Car, dit-il, vous ne pouvez solliciter pour une des parties sans nuire à l'autre, et vous rendre peut-être coupable d'une grande injustice. Admirable esprit de la religion ! La modération de saint Chrysostome n'est pas moins remarquable. Dieu, dit ce grand saint, a permis à un homme de renvoyer sa femme pour cause d'adultère, mais non pas pour cause d'idolâtrie. Selon le droit romain, les infâmes ne pouvaient être juges. Saint Ambroise et saint Grégoire poussent encore plus loin cette belle loi, car ils ne veulent pas que ceux qui ont commis de grandes fautes demeurent juges, de peur qu'ils ne se condamnent eux-mêmes en condamnant les autres. En matière criminelle, le prélat se récusait, parce que la religion a horreur du sang. Saint Augustin obtint par ses prières la vie des circumcellions, convaincus d'avoir assassiné des prêtres catholiques. Le concile de Sardique fait même une loi aux évêques d'interposer leur médiation dans les sentences d'exil et de bannissement. Ainsi le malheureux devait à cette charité chrétienne non seulement la vie, mais, ce qui est bien plus précieux encore, la douceur de respirer son air natal. Ces autres dispositions de notre jurisprudence criminelle sont tirées du droit canonique. Premièrement, on ne doit point condamner un absent qui peut avoir des moyens légitimes de défense. Deuxièmement, l'accusateur et le juge ne peuvent servir de témoins. Troisièmement, les grands criminels ne peuvent être accusateurs. Quatrièmement, en quelque dignité qu'une personne soit constituée, sa seule déposition ne peut suffire pour condamner un accusé. On peut voir dans Héricourt la suite de ces lois, qui confirment ce que nous avons avancé, savoir que nous devons les meilleures dispositions de notre code civil et criminel au droit canonique. Ce droit est en général beaucoup plus doux que nos lois, et nous avons repoussé sur plusieurs points son indulgence chrétienne. Par exemple, le 7e concile de Carthage décide que, quand il y a plusieurs chefs d'accusation, si l'accusateur ne peut prouver le premier chef, il ne doit point être admis à la preuve des autres. Nos coutumes en ont ordonné autrement. Cette grande obligation que notre système civil doit au règlement du christianisme est une chose très grave, très peu observée et pourtant très digne de l'être. Enfin, les juridictions seigneuriales, sous la féodalité, furent de nécessité moins vexatoires dans la dépendance des abbayes et des prélatures que sous le ressort d'un comte ou d'un baron. Le seigneur ecclésiastique était tenu à de certaines vertus que le guerrier ne se croyait pas obligé de pratiquer. Les abbés cessèrent promptement de marcher à l'armée et leurs vassaux devinrent de paisibles laboureurs. Saint Benoît d'Agnan, réformateur des bénédictins en France, recevait les terres qu'on lui offrait, mais il ne voulait point accepter les serres. Il leur rendait sur le champ la liberté. Cet exemple de magnanimité au milieu du 10e siècle est bien frappant, et c'est un moine qui l'a donné. Chapitre 11. Politique et gouvernement. La coutume qui accordait le premier rang au clergé dans les assemblées des nations modernes tenait aux grands principes religieux que l'Antiquité entière regardait comme le fondement de l'existence politique. Je ne sais, dit Cicéron, si anéantir la piété envers les dieux, ce ne serait point aussi anéantir la bonne foi, la société du genre humain, et la plus excellente des vertus, la justice. Haud scioan, pietate adversus deos ublata, fides etiam, et societas humani generis, et una excellentissima virtus, justitia tolatur. Puisqu'on avait cru jusqu'à nos jours que la religion est la base de la société civile, ne faisons pas un crime à nos pères d'avoir pensé comme Platon, Aristote, Cicéron, Plutarque, et d'avoir mis l'autel et ses ministres au degré le plus éminent de l'ordre social. Mais si personne ne conteste sur ce point l'influence de l'Église dans le corps politique, on soutiendra peut-être que cette influence a été funeste au bonheur public et à la liberté. Nous ne ferons qu'une réflexion sur ce vaste et profond sujet. Remontons un instant aux principes généraux d'où il faut toujours partir quand on veut atteindre quelque vérité. La nature, au moral et au physique, semble n'employer qu'un seul moyen de création. C'est de mêler, pour produire, la force et la douceur. Son énergie paraît résider dans la loi générale des contrastes. Si elle joint la violence à la violence, ou la faiblesse à la faiblesse, loin de former quelque chose, elle est détruite par excès ou par défaut. Toutes les législations de l'Antiquité offrent ce système d'opposition qui enfante le corps politique. Cette vérité, une fois reconnue, il faut chercher les points d'opposition. Il nous semble que les deux principaux résident l'un dans les mœurs du peuple, l'autre dans les institutions à donner à ce peuple. S'il est d'un caractère timide et faible, que sa constitution soit hardie et robuste. S'il est fier, impétueux, inconstant, que son gouvernement soit doux, modéré, invariable. Ainsi la théocratie ne fut pas bonne aux Égyptiens. Elle les asservit sans leur donner les vertus qui leur manquaient. C'était une nation pacifique, il lui fallait des institutions militaires. L'influence sacerdotale, au contraire, produisit à Rome des effets admirables. Cette reine du monde dut sa grandeur à Numa, qui sut placer la religion au premier rang chez un peuple de guerriers. Qui ne craint pas les hommes, doit craindre les dieux. Ce que nous venons dire du Romain s'applique aux Français. Il n'a pas besoin d'être excité, mais d'être retenu. On parle du danger de la théocratie. Mais chez quelle nation belliqueuse un prêtre a-t-il conduit l'homme à la servitude? C'est donc de ce grand principe général qu'il faut partir pour considérer l'influence du clergé dans notre ancienne constitution, et non pas de quelques détails particuliers, locaux et accidentels. Toutes ces déclamations contre la richesse de l'Église, contre son ambition, sont de petites vues d'un sujet immense. C'est considérer à peine la surface des objets et ne pas jeter un coup d'œil ferme dans leur profondeur. Le christianisme était dans notre corps politique comme ces instruments religieux dont les Spartiates se servaient dans les batailles, moins pour animer le soldat que pour modérer son ardeur. Si l'on consulte l'histoire de nos états généraux, on verra que le clergé a toujours rempli ce beau rôle de modérateur. Il calmait, il adoucissait les esprits. Il prévenait les résolutions extrêmes. L'Église avait seule de l'instruction et de l'expérience. Quand des barons hautains et d'ignorantes communes ne connaissaient que les factions et une obéissance absolue. Elle seule, par l'habitude des synodes et des conciles, savait parler et délibérer. Elle seule avait de la dignité lorsque tout en manquait autour d'elle. Nous la voyons tour à tour s'opposer aux excès du peuple, présenter de libres remontrances au roi et braver la colère des nobles. La supériorité de ses lumières, son génie conciliant, sa mission de paix, la nature même de ses intérêts, devaient lui donner en politique des idées généreuses qui manquaient aux deux autres ordres. Placée entre ceux-ci, elle avait tout à craindre des grands et rien des communes, dont elle devenait par cette seule raison le défenseur naturel. Aussi la voit-on, dans les moments de trouble, voter de préférence avec les dernières. La chose la plus vénérable qu'offraient nos anciens états généraux était ce banc de vieux évêques qui, la mitre en tête et la crosse à la main, plaidaient tour à tour la cause du peuple contre les grands et celle du souverain contre les seigneurs factieux. Ces prélats furent souvent la victime de leur dévouement. La haine des nobles contre le clergé fut si grande au commencement du XIIIe siècle que saint Dominique se vit contraint de prêcher une espèce de croisade pour arracher les biens de l'Église aux barons qui les avaient envahis. Plusieurs évêques furent massacrés par les nobles ou emprisonnés par la cour. Ils subissaient tour à tour les vengeances monarchiques, aristocratiques et populaires. Si vous voulez considérer plus en grand l'influence du christianisme sur l'existence politique des peuples de l'Europe, vous verrez qu'il prévenait les famines et sauvait nos ancêtres de leur propre fureur, en proclamant ces paix appelées « paix de Dieu », pendant lesquelles on recueillait les moissons et les vendanges. Dans les commotions publiques, souvent les papes se montrèrent comme de très grands princes. Ce sont eux qui, en réveillant les rois, sonnant l'alarme et faisant des ligues, ont empêché l'Occident de devenir la proie des Turcs. Ce seul service rendu au monde par l'Église mériterait des autels. Des hommes indignes du nom de chrétiens égorgeaient les peuples du Nouveau Monde, et la cour de Rome fulminait des bulles pour prévenir ces atrocités. L'esclavage était reconnu légitime et l'Église ne reconnaissait point d'esclaves parmi ses enfants. Les excès même de la cour de Rome ont servi à répandre les principes généraux du droit des peuples. Lorsque les papes mettaient les royaumes en interdit, lorsqu'ils forçaient les empereurs à venir rendre compte de leur conduite au Saint-Siège, ils s'arrogeaient sans doute un pouvoir qu'ils n'avaient pas. Mais en blessant la majesté du trône, ils faisaient peut-être du bien à l'humanité. Les rois devenaient plus circonspects. Ils sentaient qu'ils avaient un frein et le peuple une égide. Les rescrits des pontifes ne manquaient jamais de mêler la voix des nations et l'intérêt général des hommes aux plaintes particulières. Il nous est venu des rapports que Philippe, Ferdinand, Henri opprimaient son peuple, etc. Tel était à peu près le début de tous ces arrêts de la cour de Rome. S'il existait, au milieu de l'Europe, un tribunal qui jugeât, au nom de Dieu, les nations et les monarques, et qui prévint les guerres et les révolutions, ce tribunal serait le chef-d'œuvre de la politique et le dernier degré de la perfection sociale. Les papes, par l'influence qu'ils exerçaient sur le monde chrétien, ont été au moment de réaliser ce beau songe. Montesquieu a fort bien prouvé que le christianisme est opposé d'esprit et de conseil au pouvoir arbitraire, et que ses principes font plus que l'honneur dans les monarchies, la vertu dans les républiques et la crainte dans les états despotiques. N'existe-t-il pas d'ailleurs des républiques chrétiennes qui paraissent même plus attachées à leur religion que les monarchies? N'est-ce pas encore sous la loi évangélique que s'est formé ce gouvernement, dont l'excellence paraissait telle aux plus braves des historiens, qu'ils le croyaient impraticable pour les hommes? Dans toutes les nations, dit Tacite, c'est le peuple, ou les nobles, ou un seul qui gouverne. Une forme de gouvernement qui se composerait à la fois des trois autres, est une brillante chimère, etc. Tacite ne pouvait pas deviner que cette espèce de miracle s'accomplirait un jour, chez des sauvages dont il nous a laissé l'histoire. Les passions, sous le polythéisme, auraient bientôt renversé un gouvernement qui ne se conserve que par la justesse des contrepoids. Le phénomène de son existence était réservé à une religion qui, en maintenant l'équilibre moral le plus parfait, permet d'établir la plus parfaite balance politique. Montesquieu a vu le principe du gouvernement anglais dans les forêts de la Germanie. Il était peut-être plus simple de le découvrir dans la division des trois ordres, division connue de toutes les grandes monarchies de l'Europe moderne. L'Angleterre a commencé, comme la France et l'Espagne, par ses états généraux. L'Espagne passa à une monarchie absolue, la France à une monarchie tempérée, et l'Angleterre à une monarchie mixte. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les Cortés, de la première, jouissaient de plusieurs privilèges que n'avaient pas les états généraux de la seconde et les parlements de la troisième, et que le peuple le plus libre est tombé sous le gouvernement le plus absolu. D'une autre part, les Anglais, qui étaient presque réduits en servitude, se rapprochèrent de l'indépendance, et les Français, qui n'étaient ni très libres ni très asservis, demeurèrent à peu près au même point. Enfin, ce fut une grande et féconde idée politique que cette division des trois ordres. Totalement ignorée des anciens, elle a produit chez les modernes le système représentatif, qu'on peut mettre au nombre de ces trois ou quatre découvertes qui ont créé un autre univers. Et qu'il soit encore dit, à la gloire de notre religion, que le système représentatif découle en partie des institutions ecclésiastiques, d'abord parce que l'Église en offrit la première image dans ses conciles, composée du souverain pontife, des prélats et des députés du bas clergé, et ensuite parce que les prêtres chrétiens, ne s'étant pas séparés de l'État, ont donné naissance à un nouvel ordre de citoyens, qui, par sa réunion aux deux autres, a entraîné la représentation du corps politique. Nous ne devons pas négliger une remarque qui vient à l'appui des faits précédents et qui prouve que le génie évangélique est éminemment favorable à la liberté. La religion chrétienne établit en dogme l'égalité morale, la seule qu'on puisse prêcher sans bouleverser le monde. Le polythéisme cherchait-il à Rome à persuader aux patriciens qu'ils n'étaient pas d'une poussière plus noble que le plébéien? Quel pontife eût osé faire retentir de telles paroles aux oreilles de Néron et de Tibère? On eût bientôt vu le corps du lévite imprudent exposé aux gémonies. C'est cependant de telles leçons que les potentats chrétiens reçoivent tous les jours dans cette chair si justement appelée la chair de vérité. En général, le christianisme est surtout admirable pour avoir converti l'homme physique en l'homme moral. Tous les grands principes de Rome et de la Grèce, l'égalité, la liberté, se trouvent dans notre religion, mais appliqués à l'âme et au génie et considérés sous des rapports sublimes. Les conseils de l'Évangile forment le véritable philosophe et ses préceptes le véritable citoyen. Il n'y a pas un petit peuple chrétien chez lequel il ne soit plus doux de vivre que chez le peuple antique le plus fameux, excepté Athènes, qui fut charmante mais horriblement injuste. Il y a une paix intérieure dans les nations modernes, un exercice continuel des plus tranquilles vertus, qu'on ne vit point régner au bord de l'Ilissus et du Tibre. Si la République de Brutus ou la monarchie d'Auguste sortaient tout à coup de la poudre, nous aurions horreur de la vie romaine. Il ne faut que se représenter les jeux de la déesse Flore et cette boucherie continuelle de gladiateurs pour sentir l'énorme différence que l'Évangile a mise entre nous et les païens. Le dernier des chrétiens, honnête homme, est plus moral que le premier des philosophes de l'Antiquité. Enfin, dit Montesquieu, nous devons au christianisme et dans le gouvernement un certain droit politique. Et dans la guerre, un certain droit des gens que la nature humaine ne saurait assez reconnaître. C'est ce droit qui fait que parmi nous, la victoire laisse au peuple vaincu ses grandes choses, la vie, la liberté, les lois, les biens et toujours la religion, quand on ne s'aveugle pas soi-même. Ajoutons, pour couronner tant de bienfaits, un bienfait qui devrait être écrit en lettres d'or dans les annales de la philosophie. L'abolition de l'esclavage.